rester seul. N'osant plus compter sur sa valeur. Il fait de fuir les criasses, il le poursuit avec fureur. Mais la pas inégale s'accale sur ses traces. Il les voit divisées, se retourne. Et d'abord sous ses coups, votre gendre expire. Et ses goûts accourent, doublent les corps. Son courage n'y peut suffire. Il éprouve le même sort. Et la mort du troisième assure notre empire.